Mesdames, messieurs, nous vous demandons de bien vouloir vérifier que votre téléphone portable est en position éteinte. Nous vous prions également de bien vouloir retirer veste, pullover et écharpe, car nous vous rappelons que ce théâtre est actuellement sans climatisation, avec un système de chauffage défectueux qui monte la salle à plus de 40 degrés. Bon courage et bon spectacle !